médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Dieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien. Le mag d'Actu Tout Terrain, en direct, le mercredi à midi. Aujourd'hui, au programme de cette émission... micro. Aujourd'hui, au programme de cette émission, on va parler de basse musique avec deux spécialistes de notre localité, en la présence d'Anna Cooks et Perruche, que nous allons retrouver juste après. Et on va avoir pas mal de choses à dire et de sons à écouter. Je voulais introduire ce magazine avec une petite pensée, puisque en ce mercredi 15 mai, et bien c'est la journée de la Nakba, la catastrophe de 1948, une journée importante pour le peuple palestinien, alors même que Rafah est bombardé intensément. Il y a un rassemblement appelé par BDS Saint-Étienne à 18h à la Bourse du Travail qui va nous faire penser un petit peu à toutes les conséquences nocives de la colonisation en ce jour où la Nouvelle-Calédonie se soulève contre un impérialisme français qui perdure et perdure et perdure. Et avec toutes ces mauvaises nouvelles sous ce ciel gris, je me suis dit qu'il n'était de rigueur de commencer ce magazine par une proposition plus que groove, fraîche, pour essayer de donner le soleil à nos déprimes stéphanoises. Le retour d'un EP, le groupe italien Savannah Funk, que je vous ai déjà joué dans cette émission, un groove instrumental avec un crew qui quand même brille par la taille de leurs cheveux. Tout le monde a 1 mètre cube de cheveux au-dessus de la tête, et pour l'occasion, à l'occasion de la sortie de ce EP Raa, ils se sont rapproché du producteur Gaudi, connu pour son travail autant avec Steel Pulse, The Orb, Tricky ou Lee Scratch Perry. Je vous propose tout de suite donc un petit peu de fraîcheur avec le morceau éponyme que l'on appelle Raa sur le 89.5 de Radio Dio. Thank you. Et voilà, sur le 895 de Dio Savannah Funk, je vous propose maintenant d'enchaîner avec le coup de cœur de la Ferrarock, cette fois notre réseau de radio des musiques pas pareilles, dirons-nous, et un des coups de cœur de ce jour, c'est Irninimons, un groupe lyonnais qui sort ce deuxième album, me semble-t-il. Une habitante touchée par une météorite, ça ressemble à un fait divers. Est-ce que l'album est de l'ordre du fait divers? Eh bien, ça dépend si vous kiffez ou pas. Ça sort sur Another Record, Dur et Doux et HVIV, trois labels pour une coprod de ce 26 avril 2024. Irninimons, on les avait suivis puisque c'était le groupe de musiciennes qui s'appelait Décibel, qui avait été repéré notamment parce qu'ils avaient été enregistrés par l'incroyable ingé son Steve Albini, mort le week-end dernier d'ailleurs, paix à son âme et aux décibels du rock'n'roll. Là du coup, eh bien, il y a des mecs qui les ont rejoints, c'est devenu un quatuor un peu post-punk en français. C'est plutôt frais dans son genre. Je vous propose une petite écoute du morceau Hélice Police et puis je vous propose aussi de les retrouver en interview aux côtés des coups de cœur de la Ferrarock dans l'émission Dig Dig Diggers, le programme qui encadre une célébrissime émission de Radio Dio que j'ai nommée Charbonnaire, bien entendu, puisque Dig Dig Diggers passe à midi et à 19h et que de 17 à 19h, bien entendu, il y a Charbonnaire. Voilà, enfin bref, ça passe aussi le lundi matin. Enfin bref, voilà, il y en a une immense. We'll be right back. sur Radio Dio. La Charbonnerie, salut. Salut. Salut. Comment ça va, vous? Bah ça va. Ouais. Vous avez bien de la chance. Ouais, ça va, on sort d'une petite fête, tiens. Ah ouais. Oui, on dirait que toi... Bah ça se fait pas tous les jours, ce genre de fête, tu vois. Quel genre de fête? Bah, un chiffre rond, tu vois, à fêter. Un chiffre rond à fêter? Ouais. Le genre... Il veut pas déclarer au micro, genre, hein. Le genre 4 décades. Le genre 4 décades, le genre qui fait boire plus une bière qu'un café. Sur le temps de midi. Sur le temps de midi, si vous nous écoutez en direct. Et puis bah, ça semble peut-être encore plus décalé si vous nous écoutez à 8h de mat, mais un peu moins si vous nous écoutez à 19. Alors, la Charbonnerie, bah, c'est une émission de Dio aussi. On va parler un petit peu de tout ça, on va parler du pourquoi, puisqu'il y a une journée qu'il ne faut pas rater. Ce sera le 25 mai, ça s'appelle Charbonnaire, mais on va commencer dans l'ordre. Non, ça s'appelle Charbol School. Charbol School, ouais, mais il y a trop de charb, on ne peut plus de ce charbon là. Mais en fait, on est en train de monter une entreprise avec le Charb. Des filiales, ouais. La Charb Company, ok. Donc Charb Company International dans la place. Hello. Avec les deux co-PDG. Exactement. La Charbonnerie, le crew. On va passer pour des capitalistes. C'est quoi? C'est monté quand? C'est monté comment? Parlez-nous un petit peu du crew de départ. On va essayer de simplifier un petit peu le bazar, quoi. Ok, bah j'y vais. Au départ, c'était une idée comme ça, et puis on a trouvé le nom, mais on n'avait pas encore. Ça a mis 2 ans quand même avant de se monter. Et puis, voilà, l'objectif c'est d'avoir un petit collectif de DJ et de diffuser et de promouvoir un peu la basse musique dans la région. Donc on s'en sort bien, et j'ai trouvé de bons acolytes là qui sont là depuis le début. Donc Anna Cooks, Dub Mentalist, Shepka, Mr. P, 0K, Dekaju. Donc voilà, on est une bonne petite équipe. C'était quand ça, ce que t'appelles un peu le début là? Bah c'était avant le Covid. C'était avant le Covid. Je crois que c'était en 2018-2019, ouais. Truc ouais. Comme ça. En fait, moi de mon côté, j'avais envie de reprendre la radio. Eh oui. Parce que j'avais mon émission radio toute seule au début. Anna Cooks Bass System, Anna Cooks Bass Selecta. Bass Selecta, tout à fait, 2016. Ouais, c'est ça. Et encore avant, j'étais sur Radio Canu, blablabla. Et je me suis dit, moi je veux bien revenir sur les ondes, mais je veux pas venir toute seule. Je vais monter, pour en fait avoir une émission hebdo. Mais pas toujours assuré par la même personne. Si on est 4, en gros, ça ferait un créneau par mois. Et je pense que c'est un alignement cosmique. Enfin, moi, j'appelle ça un alignement cosmique. En même temps, il y a eu la Charbo et la première soirée Charbo, je m'en rappelle, c'était au 10h. Et du coup, c'est là un peu que j'ai vu les premiers noms, Perruche, tout ça. Elle nous a contactés un par un sans savoir. Sans savoir qu'en fait, c'était un crew, en fait. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Et en fait, du coup, l'asso se lançait et la radio s'est greffée au projet. Et en fait, ça avait du sens, quoi. Ouais. Alors, ça veut bien dire que si t'as contacté un par un, il n'y avait pas vraiment de crew basse musique à synthé à ce moment-là encore, il n'y avait pas non. de team. Il y avait quelque chose qui existait, c'était autour de Mams, son âme, notre ami. Et c'est lui qui drivait un peu tout le monde là-bas sur place depuis des bonnes années. Donc moi je les connais depuis bien longtemps, et puis donc on a perdu notre cher Mams. Et nous on a voulu un petit peu reprendre le flambeau. Ce qui est fou, c'est que ça s'est fait aussi dans la continuité, voilà. Parce que je crois qu'il est décédé dans 2018-2019, pareil. Voilà, ouais. Et c'est comme si le flambeau en fait il... C'était naturel. Pardon. C'était naturel. C'est comme si le flambeau, ouais, on prenait le relais, quoi. Et du coup, après, sinon, avant, c'est vrai qu'il y avait Mams, il y avait Mr. P, il y avait un peu des figures comme ça, plutôt libres, Dub Mentalist, tout ça, mais c'était pas sous forme d'une entité. Une entité propre, quoi. Il n'y avait pas autant de soirées consacrées à cette culture basse musique aussi, quoi. C'était souvent un set à 5h du mat. Voilà, au milieu des autres esthétiques. Parce que justement, maintenant, est-ce que vous pourriez nous faire quand même une espèce de petite Polaroid? Désolé, c'est old school. On est old school. Ouais, c'est ça. On va le voir après. Ouais. Mais bon, alors faisons un Polaroid, puisqu'en plus on parlera peut-être de Sténopée après. De justement, maintenant là, en 2024, la basse musique à synthé, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que du coup ça a fait un peu grossir un truc? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont agrégées? Comment ça se match? ben voilà, nous on a fait nos petites bouts de chemin, donc on a fait beaucoup d'émissions au départ, c'est ce qui nous a un peu fédéré aussi parce que le Covid on pouvait pas faire de soirée, donc ensuite on a beaucoup mixé dans des bars et on a vu que bon c'était un peu, on essayait de faire ça une à deux fois par mois et puis on y mettait beaucoup d'énergie, on s'est dit voilà, maintenant on s'est fait connaître, donc maintenant allons sur des événements un peu plus importants, mais moins souvent. Mais moins souvent, ouais. Donc on a fait des événements, donc style Disorder, enfin je sais pas si c'est nous qui avons fédéré ça, mais le côté commencer dans un bar, finir dans un club, voilà, il y avait ce côté qui était vachement intéressant pour justement fédérer un peu les gens autour de la basse musique. Et puis après voilà, il y a eu des événements comme au Clapier aussi où on se fait connaître, ou même à l'Essain, où on arrive quand même à fédérer 150 à 200 personnes sur Saint-Etienne, donc autour de la basse musique, donc c'est pas rien là, pour la taille, ouais, de la ville. Et ce qui est chouette aussi, c'est que entre les soirées et la radio, ça fait que on invite beaucoup de gens, et en fait on réalise que y a un paquet de gens qui mixent en fait de la bass, et le spectre très très large de la bass, là maintenant ça fait 5 ans qu'on existe, et il y a encore hors micro justement, on en parlait comme ça, lui tu sais il mixe jungle encore quelqu'un qui mixe jungle, enfin en fait il y a un paquet de gens, et j'ai l'impression que on est devenu cette entité qui permet de mettre en avant cette musique à part entière, où il y a vraiment des soirées où il n'y a que ça, quoi. Genre de 22h à 5h, c'est... c'est ça, et pas un peu de techno Ouais, c'est vrai que, après, bon, c'est vrai que la bass music, c'est un style difficilement accessible parce que c'est assez complexe et il y a tellement de sous-genres un peu. Donc. On va dire que voilà, il peut y avoir des sous-genres techno qui sont dans la bass, mais c'est vrai que c'est quelque chose. On n'est pas sur du 140, du boom, boom, boom, ou ce rythme du cœur. Nous, on va sur un spectre un peu plus large aussi en termes de BPM. Et en fait, les gens, au départ, ils ont du mal, mais comme je vous donne un exemple concret, on était une fois au F2 et puis il y a un couple qui arrive et qui écoute du dubstep comme ça. Enfin, il y a le dubstep, ils étaient là, c'est un peu bizarre, on va bouger. Je les ai vus partir, ils sont revenus une demi-heure après, et une demi-heure après, c'était en mode drum and bass, ils étaient à fond dessus. Donc en fait, c'est la basse musique qui vient à toi, c'est pas toi qui vas à la basse musique en quelque sorte. Les gens, s'ils connaissent pas, ils viennent pas systématiquement comme ça. Donc nous on est un peu là aussi pour aller vers eux voilà, et puis donc ça leur fait découvrir des nouvelles choses, et d'ailleurs c'est même souvent qu'on nous remercie après des sets dans des clubs comme ça, les gens nous disent merci, ça fait du bien, parce que il y en a beaucoup aussi qui en ont un peu marre de la techno, de la systématique, de ce genre de choses. Donc c'est un peu plus chaloupé, comme dirait Anaïs. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes dans la chapelle basse musique avec toutes ces sous-catégories, etc. Mais finalement, le lien aussi avec les scènes électro et techno, j'ai l'impression que... Je sais pas dans quelle mesure pour vous, d'ailleurs, il existe vraiment. Moi, je sais que mes premières free parties avaient autant de la hard tech que de la drum and bass. Coup, c'est hyper poreux quand même. Bien et sûr. Que les soirées, il y a plein de trucs différents où les gens, ils sont capables de danser sur... Voilà. Un peu n'importe quoi. Alors oui, moi personnellement, la drum and bass, par contre, tu vois, je l'ai connu en rave party, quand j'avais 16 ans, ce genre de choses. On a découvert ça par la rave party, parce que justement, il y a cette liberté de faire connaître. Enfin, il y a pas, on va dire, les gens viennent pour écouter du son, ils sont pas là à vouloir un style de musique spécifique, donc c'est ce côté plus ouvert, et ça s'est un peu éteint aussi pendant les années 2005-2010, c'est passé un petit peu à côté, et aujourd'hui ça revient en force, mais la rave party, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, donc la rave party vient aussi d'Angleterre. Une grosse terre de mélange, ouais. Voilà, exactement. Donc justement, c'est un petit peu ça qui a permis à faire connaître ce style-là par le lutin, je crois. C'était à Toulouse. Voilà, ça. C'est lui qui a un petit peu aussi ramené les styles d'Angleterre. Mais à Paris, c'était les Massimas, par exemple, mais c'était... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, alors c'est peut-être le petit moment un peu anticapitaliste finalement, dans les teufs il y avait aussi une organisation un peu des mix où il pouvait avoir tout et puis en fin de soirée soit t'avais de la gabber, après t'avais du dub, enfin il y avait des trucs un peu comme ça. Est-ce que c'est pas aussi le moment de répression après où il y a eu beaucoup toutes les scènes techno et électro qui sont retrouvées en club et où du coup là ben en fait on fait des petits concepts avec telle musique qui se retrouve un peu ensemble et peut-être qui est un peu séparé aussi les différentes scènes ou... Moi je pense que le club... Peut-être je vais trop loin, j'ai vu tes yeux là, Anna, genre voilà, mais tu fais... Non, c'est que... Ouais, vas-y. Non, juste pour... ouais, je pense que les clubs aussi ont voulu lisser un petit peu la chose pour accueillir un maximum de gens et que voilà, c'est quand on présente une soirée Jungle Drum and Bass, les gens ne sont pas forcément là au rendez-vous. Ça, bah, pour parler de capitalisme, typiquement, tu fais moins de la thune que quand tu fais de la house, quoi. Ah, oui. Enfin, pour parler cru, en fait, enfin, en tout cas, en France, t'es gérant d'un bar, enfin, à Paname ou à Lyon, j'en avais parlé avec le mec de l'interface à l'époque qui, quelquefois, faisait des soirées drum, et il me disait, mais clairement, mes soirées house, elles sont beaucoup plus rentables, donc à un moment donné, faut bouffer, quoi. Ouais. Mmh. Si tu veux faire des thunes, fais pas de la bass music. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, ça... Si, il y a Srilex. Ouais, ouais. Mais ça change, c'est en train de changer quand même un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, ça évolue et... Après, c'est grâce à des assos comme nous, hein, qui ont... Ouais, en fait, le but, c'est de faire découvrir, quoi. Voilà, récemment, Bass Factory, là, ils ont monté un projet, c'est un peu de fédérer un peu toutes les assos nationales autour de la bass music en France. Ils ont fait une carte, voilà, internet où chaque asso est représenté dans une ville, France, ouais. Et puis ils font des derbies, donc comme on a fait le 8 et le 9 mars avec eux contre Lyon. Voilà, du coup, enfin voilà, il y a quand même un réseau. On veut pas savoir qui a gagné, d'ailleurs. Comment ? On veut pas savoir qui a gagné, d'ailleurs. Non, en vrai, c'était nous. C'était nous. On a fait une kick-ass soirée. Pauvreux dans le sens, mais non, ils ont bien assuré aussi. Ils ont été forts pour l'organisation. On se fait une petite respiration musicale, ouais. Parce que j'avais envie d'illustrer un petit peu. Vous avez fait 17 000 propositions qui mettraient 4h30 à diffuser de mix. Mais là, on avait pensé commencer par Peer Riot et du coup faire des petits focus aussi justement sur les gens de la région que vous avez rencontrés et que vous, avec qui vous vous brassez un petit peu. Vous pouvez présenter ? Eh bah, bien, Peer Riot, il vient de Lyon et c'est un des fondateurs de Bass Factory. Ouais, c'est le président. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. On écoute ça tout de suite, le morceau Chemical. Il est très fort. Et ça envoie du, ouais. Ça envoie du gras. Chemical. Chemical. Chemical. Thank you. chemical. Chemical. Chemical. Piriot Chemical sur le 895 de Dio. Right. Right. Alors, on va faire un petit focus à présent, toujours centré sur la basse musique avec un mariage qu'on va explorer un petit peu. Et ouais, c'est le problème d'avoir tout comme ça, c'est qu'après, après, ça enchaîne et je sais même pas quelle page c'est. Oulala, petit focus. Petit focus, hop, je ferme la page. Et là, et là, et là. Et ouais, un peu tranquille là-haut. donc, basse musique et radio. Charbonnaire, donc, tous les vendredis, 17 à 19. Tu disais tout à l'heure un petit peu, toi, c'était déjà quelque chose qui était présent et sur Dio et sur Canu avant. Vous avez rejoint la team. C'est aussi quand même pas mal, bah, déjà l'occasion de mixer de manière régulière avec du public, même si c'est pas sur le dance floor, et d'inviter aussi des gens. Ouais. Le rôle de la radio, justement, par rapport à la manière dont vous avez rencontré, par exemple, vous en diriez quoi ? Bah c'est, en fait, c'est une autre manière de rencontrer les gens et c'est une autre manière de diffuser la musique. T'es pas obligé de mixer, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux aussi être juste sur la Selecta, passer des tracks bah, que tu pourrais pas trop passer en mix parce qu'elles sont toutes méga atmosphériques, toutes bizarres, enfin, j'en sais rien. Et puis avoir de voilà, t'as des exclus, et bah t'es là, ouais, les meufs, j'ai cet exclu à vous partager. Et c'est, bah justement, c'est une autre manière de diffuser de la musique et aussi bah, de rencontrer des gens parce que du coup, tu les invites et en plus, tu peux les interviewer pour qu'eux, ils parlent un peu de leur démarche, mais on n'oblige pas, il y en a qui préfèrent pas parler. Non, c'est trop bien. Ça fait un spectre, enfin, ça fait un outil en plus. Et on a des bons retours. Ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Et c'est vrai que ça permet à fond, comme vous l'utilisez, vous. Moi, je sais que j'ai découvert en tombant sur l'émission des gens un peu du coin avec qui vous avez l'air de brasser, qui font des sons vraiment chouettes. Donc, Madame Berthe qui était venue, que j'avais entendu une interview par téléphone, qui était vraiment cool. Et ce truc de fédérer comme ça, finalement, est-ce que... parce qu'il y a des gens, ils doivent flipper aussi de parler, non ? Dans les DJ, j'imagine que c'est pas... préfère les inviter, ils préfèrent être invités pour mixer une soirée c'est pour ça que venir à la radio, non ? Ah non, nous, de manière générale, les gens sont toujours contents. Il y a le côté live aussi, enfin, t'es en direct, ça met un enjeu assez différent. Oui, c'est assez content, les gens, de venir mixer ici. Enfin, on leur donne, on leur amène un peu le matel ou ils viennent avec leur matel, mais ils ont, enfin voilà, toujours une bonne expérience. Ouais, les gens, je pense qu'au contraire, les gens, ils sont contents de la vivre parce qu'en plus, il y a les locaux aussi de la radio, ça met une certaine ambiance. Et puis en plus, après, bah, l'émission elle est enregistrée, ça fait de la matière pour eux. Non, franchement, à chaque fois, les gens sont plutôt contents. Et c'est vrai que les émissions de radio, c'est aussi une manière de fédérer les scènes quand on brasse. Enfin, il y a pas mal d'émissions radio qui sont aussi des gens qui organisent des concerts, des soirées ou des choses comme ça, et où du coup, ça fait un petit point supplémentaire sur la table. Il y a aussi pas mal de web radio maintenant qui font de la basse musique, même à mon avis plus qu'en FM, j'imagine, non ? Alors moi je sais pas, en FM, mais c'est que aujourd'hui la web radio, c'est pareil, c'est un nouveau média qu'il faut pas négliger, quoi, parce que ça monte, on peut tous un peu monter notre web radio avec 3 francs 6 sous. Et mais après c'est dur aussi, j'ai l'impression que c'est un peu la jungle vu que c'est internet et tout. Si tu veux toi avoir ton podcast, avoir tes followers et tout, bon après nous sur Duo pareil hein, c'est difficile de quantifier notre écoute. La carte dont tu parlais, un répertorie des crews qui font aussi des émissions, j'imagine. Oui. Ouais. Ouais, bah les activités, enfin c'est des crews qui sont activistes à plein de niveaux différents quoi. Ouais, bah comme tu parlais à Lille, ils ont une émission aussi. Ouais, donc là tu parlais de RCV à Lille. Et c'est la team Unlike Session, et en fait c'est marrant, je sais plus comment, en fait c'est toi qui nous avais envoyé un mail de, en gros il y avait une grille qui rassemblait toutes les émissions de Ferrarock et tu pouvais chercher par genre. Ouais, et j'ai fait allez, bah je vais mettre drum and bass. Et là je suis tombée sur les Unlike Session en fait, et j'ai connecté avec eux, et lui ça fait 20 ans qu'il a son émission, donc force à lui quoi. Et lui c'est un ancien, et ce qui est trop marrant c'est que la communauté bass, vu qu'on est un petit pourcentage en France à être des junglistes et tout, dès qu'on se connaît, on se lâche plus. Il y a un truc de communauté proche. Et en fait, ce mec donc qui s'appelle Jaka, et ben il connaît Bert par exemple, il connaît Matt Tracker, c'est un mec de Grenoble. Enfin, il y a un truc comme ça de genre de communauté. Non, On est tellement pas nombreux que ouais, ça voilà, on se connaît. Le réseau est hyper connecté en plus, j'imagine. C'est ça. Juste pour les gens qui écoutaient, c'est vrai que si vous kiffez la radio et des esthétiques un peu particulières, tu parlais du site de la Ferrarock où vous pouvez aller chercher des émissions dans une esthétique et du coup voir effectivement, et ça se joue quand même sur pas mal de zik, c'est vrai aussi dans le reggae, dans le dub, dans les émissions punk, il y a pas mal de musiques comme ça qui sont fédérées, où il y a des émissions un peu partout qui donnent un peu des repères, des pistes et qui vont jouer l'exclu, la nouveauté sur des trucs qui sont diffusés sinon qu'en soirée finalement. Ouais c'est ça, et puis c'est, enfin moi je sais pas, j'ai en plus j'ai écouté du coup leur podcast, on est carrément dans le même délire quoi, dubstep, jungle et tout, et du coup bah direct je leur ai fait un message, et en fait c'est il y a, enfin moi ça m'a conforté de me dire à Lille il y a un crew qui est exactement dans la même démarche que nous, en mode soirée plus radio, enfin ouais c'est genre il y en a dans toutes les villes de France quoi, enfin pas forcément des émissions de radio, mais c'est vrai qu'il voilà, y a tous ces crews là qui aussi je pense aimeraient avoir une émission de radio quoi, et dans et c'est vrai que quand on dit qu'on diffuse en FM, ça a un cachet de plus que quand tu diffuses en web radio. Ouais. Tout à fait. Un peu plus de place pour le hasard, parce qu'internet, si tu connais pas la web radio, c'est quand même hyper hasard, ciblé quoi. Ouais. Carrément. Ben on va illustrer ça justement, parce que là il y a Promozo donc qui a l'air d'activer de la radio aussi, c'est ça? Ouais, alors voilà, c'est moi qui ai proposé à Loïc de parler de cette personne là donc c'est une dame qui a une, son émission bass, enfin sur une émission enfin sur, pardon, sur une web radio bass music, donc Bass Drive, elle s'appelle bassdrive.com. J'ai été surpris d'ailleurs sur cette web radio que des gens, des Stéphanois écoutaient ça, des gens qui avaient 50 ans qui écoutaient cette radio. Et elle, c'est la seule fille qui a une émission de radio du coup, et qui envoie du pâté un petit peu. Elle a traîné un peu avec tous les labels dans les années 95-2000, et là elle commence à faire depuis 2020. Donc elle est dans la place depuis un bon moment. Ouais, voilà, elle doit peut-être avoir 45-50 ans, tu vois, et elle envoie, elle tient le mic, elle est bien, enfin. Elle envoie du bon son, c'est cool quoi. Et là, voilà, je pense que je t'ai mis deux morceaux. J'ai pris le plus court, et vu tout ce qu'il y a, je pense qu'on va peut-être pas écouter tout en entier à partir de maintenant. On peut même parler sur la musique si tu veux aussi. Ouais, je vais pas faire ça comme vous là, je vais être un peu plus respectueux, mais peut-être on se retrouve dans 2-3 minutes et on parlera sur la musique, ouais, ça marche. We'll be right back. Alors normalement dans Charbonnaire, à ce moment-là, on baisse pas le son, on continue à parler par-dessus et voilà, on dit que c'est promozo et puis tout ça là, vas-y, tu me l'as fait un petit peu, Périsse, j'aime bien quand tu fais toi. Vas-y, vas-y. Ouais, vous venez d'écouter Promozo, petite meuf, sur Bass Drive qui a son émission. Bon, on baisse un petit peu quand même le son quand même, parce que sinon on nous entend pas. Okay, ouais, je croyais que vous étiez tout le temps dans le rouge comme non. Ok. C'est marrant, t'as dit petite meuf comme t'as dit petit café. Ça peut pas être une grosse meuf, quoi. Ça peut pas être une grande meuf. C'est le fameux petit café, la fameuse petite meuf, la fameuse petite clope. On est en train de se faire reprendre en direct. Pardon, excusez-moi, mesdames. Non, mais c'est des tics de langage. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais tu peux la refaire et faire genre. Ouais, c'est une grande meuf. Une grande dame de. Elle envoie de la. Elle envoie du steak. Ouais. Non, mais pourquoi pas, tu sais. Pas de soucis, tout à fait. Non, c'est une meuf qui envoie du steak. On va parler Women in Bass en fin d'émission. Avant, on va quand même faire le petit focus, puisque la charbonnerie, c'est quand même Kingdom of Communication. Et qu'il y a Charb Old School qui arrive pour Charb Incorporated Trust Mondial World. SARL au capital de 42 centimes. Charb Old School, donc, le 25 mai, Jardin Félix Thiollier, du côté de Jacquard, de 12h à 22h. Est-ce que vous pouvez parler de cette journée trépidante organisez ? Avec grand plaisir. Eh ben, c'est donc la deuxième édition. On a eu une édition l'année dernière à la même période, avec Woodstock, un certain climat. non, il n'y avait pas de gens à poil sous acide, mais il y avait d'autres trucs chouettes. Mais il y avait la boue et l'eau, quoi. Ah, il n'y avait pas de boue, parce que c'est béton, c'est globalement bétonné. Et du coup, en fait, ça part d'une volonté de mettre en avant l'objet vinyle, parce qu'une majorité d'entre nous mixe vinyle. Un peu tout ce qui est récup, seconde main, DIY, parce que on aime ça, en fait. On n'a pas de thunes, surtout. C'est bien de valoriser toujours un peu politiquement le fait qu'on soit fauché. Hein. Bah ouais. Et que du coup, ça te met dans certaines pratiques et ça t'empêche pas de vivre, en fait. C'est le futur, ça. Tu vis autrement. Et voilà. Et du coup, on a fédéré un petit peu. Enfin. Je voulais aussi un événement qui sorte juste du format soirée aussi. Là, c'est un événement qui est plus un format familial où, justement, il y a des DJ, mais il n'y a pas que ça. Il y a, des créatrices. Il y aura essentiellement des créatrices qui passent par, justement, de la récup. Il y a Tata Flox qui fait des objets de création en partant de chutes de vinyle, réellement. Elle fait des boucles d'oreilles, enfin tout plein de choses. Elle est de bois. Il y a la boutique Maru Shop qui fait. C'est un rassemblement de créatrices. Elles font plein de choses en partant de chutes de cuir. Il y a du tissu, il y a du bijou, plein de choses différentes. Il y a de la vente de vinyle, de surcroît, parce que c'est. D'occasion. C'est. Ouais, pas que, il y aura peut-être du neuf. Chut, mais voilà, parce que on a fait aussi une boutique éphémère il y a quelques mois en décembre, parce que on a beaucoup de vinyle aussi à vendre et que c'est un objet que qu'on veut défendre, qu'on veut promouvoir. C'est une autre manière de consommer de la musique dans ce monde qui va trop vite, on en parlait hors micro. Donc vente de vinyle, de la friperie, parce que j'adore ça et parce que ça promouvoit de l'upcycling, remettre en valeur des vêtements uniques du coup. Et ce que j'aime beaucoup dans la fripe, en fait, c'est que en fonction des personnes qui tiennent leur fripe, et elles mettent leur personnalité. Justement, c'est ce qui sort des chaînes type H&M ou Zara, pour ne pas les citer. C'est que quand tu rentres dans une fripe, tu rencontres une personne. Chaque fripe est différente parce que ils et elles vont pas forcément avoir les mêmes goûts. Ils font des sélecta aussi. C'est une forme de sélecta complètement. Donc c'est une place pour des créateurs à plein de niveaux différents. Charb Old School, pourquoi Charb Old School? Parce on a réfléchi à différents noms et parce qu'en fait des vieux déjà. Ouais, et puis ça en fait ça met en avant donc des objets anciens mais toujours utilisables. Bah comme le sound system qu'on a fait. Jacqueline et Bertrand donc c'est deux totems d'enceinte plus le château d'enceinte de Dub Mentalist. Donc c'est que de l'enceinte d'occasion avec des amplis d'occasion, donc des trucs qu'il y avait dans les années 80-90. Un sound system à la jamaïcaine un peu là. Ouais, en plus petit, mais déjà c'est pas mal ce qu'on va avoir. Les Dub Mentalist, ils nous préparent un petit côté, ils vont nous mettre de la puissance. Donc l'idée c'était vraiment de fédérer un peu aussi tous les gens sur notre état d'esprit, quoi. C'est un peu, on est seconde main à fond, quoi. Enfin, on n'a pas les moyens parce que le matériel de musique, ça coûte extrêmement cher, autant pour le vinyle que les platines, ce genre de choses. Donc c'est un peu vraiment mettre en avant notre état d'esprit, notre lifestyle et par le visuel, donc que ce soit la sono ou le son, et puis derrière fédérer aussi d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir par aussi les stands de créateurs et de friperies et de vinyles qui viennent. On a aussi José qui va nous faire food truck qui nous fait des burgers en faisant du rap. Alors ce sera pas des burgers, je crois que ce sera sous forme de rap à l'asiatique. Ouais, il fait une fromage qu'il veut. Ouais. Non, mais surtout, dis pas burger. Et c'est, parce que si tu vends des burgers et qu'il n'y a pas de burger, là, les gens, ils vont râler, là. Il va faire c'est à manger. C'est comme si t'annonces des frites et qu'il y a des patates à l'eau, tu vois. Tu fais, non, mais... Donc, voilà. Oui, il y aura Food Truck. Donc, José, qui est un copain rappeur et du coup, cuisinier, il est de Rohan, un peu au-dessus. Et il y aura des DJs sur que vinyle. Du coup, donc là, c'est un choix. Nous, le crew, on mixe autant sur digital que vinyle, mais pour cet événement, on veut vraiment mettre en avant le vinyle. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, encore une fois, sur synthé, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des sélectas de malades. Et du coup, de midi à 22h, ça va commencer reggae, il y aura du hip-hop, ça va être plutôt smooth jusqu'à 18h. Et puis après, plus bass, mais pareil, plus dubstep un peu tranquille et ça va monter un petit peu en énergie avec Dub Mentalist, Perruche, Mr. P. Et après, il y aura Mazinter qui est jeune, comme quoi être jeune et avoir des vinyles, ce n'est pas antinomique. Donc Mazinter qui a été invité aussi dans notre émission et qui a une sélecta jungle breakée, assez hybride, qui a une bonne culture bass et qui a sa sélecta vinyle de bonne qualité. Et on clôturera avec Romano, donc un ancien de OSS, avec un gros set neurofunk énervé où ça va taper fort, quoi. Alors peut-être vous avez rien compris, ça veut dire que vous devez y aller pour cultiver un petit peu ce mot fédéré qui a été prononcé plusieurs fois. Il y avait un truc que moi j'ai envie de dire, c'est vrai, autant par rapport à la boutique éphémère où il y avait vraiment pas que de la bass music mais aussi plein d'autres styles dans les bacs, et là j'imagine que ce sera le cas aussi pour décomplexer un peu les gens qui comprennent rien, qui se disent c'est quoi cette musique. Donc il y a quand même plein de choses. Là effectivement vous parlez d'une manière où l'après mais quand même aussi assez ouvert sur tout ce qui est à côté de la bass music et pas très très loin, un peu de la même manière que vous avez organisé des soirées au 21 juin où la bass music est présente mais où il y a un peu d'autres choses qui font que en fait il y a pas que les aficionados et aficionadas que vous visez. Non, parce que ça fait qu'on resterait dans notre bulle, en fait, au final. Et puis nous-mêmes, en fait, on aime plein d'autres musiques. Et on aime, typiquement avec le 21 juin, c'est une collab avec le Bar de Lyon. Et le Bar de Lyon qui est quand même très blues. Blues rock. Et nous, on n'est pas fermés, justement, à faire des ponts, en fait. Parce que la basse musique s'inspire aussi d'énormément de styles de musique. Donc, autant de la soul, du jazz, du reggae, du rock, il y a un panel super large. Donc, nous, en fait, on est juste là justement pour faire ce mix, cette petite recette pour déguster ces petits moments sympathiques et faire découvrir notre, comme je disais, le lifestyle seconde main. C'est le futur, ça. Enfin, faut y penser. La consommation, on est dans la surconsommation aujourd'hui. Dans le futur, quand tu quand tu auras plus, les gens auront plus d'argent pour acheter des choses dans les magasins, ils vont récupérer et puis il va falloir bricoler, donc c'est Mad Max, ça va être comme ça, quoi. On se projette un peu. Post-apocalypse, un an ou deux, t'as un pronostic. Bah 2000, allez. Ils ont annoncé la fin des océans en 2047, la fin de la vie dans les océans en 2047. Moi, je dirais 2050. On sera bien. Il y aura les extraterrestres qui vont arriver, tout le monde sera content. Vous allez faire des ateliers survivalistes aussi à Charbol School ? Ouais. On n'y a pas pensé encore. Mais en tout cas, voilà, c'est une journée où c'est la Charbo au-delà de notre... fil rouge de la base, mais qui est une des fondations quand même, mais comme on aime plein d'autres choses et qu'on aime partager plein d'autres choses, du coup c'est ce qui se passe durant cet événement. Carrément. Vous avez un truc à ajouter avant qu'on s'écoute un petit letto? Bah, il y aura de la bière. Il y aura du kombucha à pression, ça voilà. C'est quand même pas tous les jours qu'il y a du kombucha. Ah, ça y est, la com est sortie, j'avais pas vu. Mais tu crois que quoi? Tu crois que j'ai pas bossé, moi? J'ai fait la com, je l'ai publié, du coup ça m'a permis d'avoir de la matière. Ah oui, si. Loïc Lafouine. Et pareil, promouvoir les pépites locales, parce qu'il y a la brasserie stéphanoise et la kombucha, elle est de Roche-Taillé. Donc que ce soit au niveau des vendeurs de vinyle, des créateurs, de la street food. Circuit court, dans le court-circuit, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment appréciable, en fait, de mettre ça en avant et de se dire qu'on peut faire des trucs chouettes avec plein de gens talentueux d'ici. Carrément. Et puisque d'ici et puisque Derby, vous en parliez tout à l'heure, on va enchaîner sur le tout nouveau EP de Leto qui vient de Lyon, me semble-t-il. Ouais, il habite Lyon. Il n'est pas originaire de là-bas, mais il habite Lyon. Bon, bref, je suis pinaille. Ouais, c'est clair. C'est moi la génétique. Il a fait un dernier album, un petit EP là qui est pas mal. Ouais, Survival Matter, donc. Ouais. Présenter un petit peu. Ouais, alors c'est pas son dernier. Vous avez fait le même choix, c'est le seul finalement de vos deux sélecteurs. Ouais, mais c'est pas son dernier, je crois qu'il date de l'année dernière celui-là, mais c'est vrai que il y a ce morceau là qui vous attend où comme on dit, il met tout le monde d'accord. Ah mais ouais, parce que j'avais pas calé le tien, mais vous êtes contradictoire. OK, chaud. Très bien, je mets le tien, j'avais mis chaud. Mais vous avez choisi le même. Ouais, c'est ça. Pour une fois, on est d'accord. Pour une fois, c'est super. Il y aura pas le clash. Ça met tout le monde d'accord. Allez, on se retrouve après ça. Thank you. vous êtes bien sûr Charbonnaire sur le 89.5 de Radio Audio. Plus sérieusement, on s'approche de la fin de Plus Fort, j'entends rien. Et on va finir un petit peu sur un petit conducteur qu'on avait prévu. Et là, il y avait une alléchante Selecta autour de la thématique Women in Bass, parler un petit peu des meufs dans la basse musique. Et du coup, peut-être un petit topo, un petit peu. C'est vrai que c'est un sujet qui, dans pas mal de thématiques musicales, tant dans le métal, le live, le cinéma, bien sûr, et franchement d'actualité. Comment est-ce que c'est structuré et présent dans ce milieu musical? Bah, moi, ce que j'aime beaucoup en France, en tout cas, c'est que l'ambassadrice de la drum, en fait, en France, c'est une ambassadrice, c'est Elisa Dubrasil. Et en fait, elle, à aucun moment, en fait, elle a, enfin, comment dire, elle s'est emparée de ce discours-là, en fait, de genre, il n'y a pas assez de meufs, nanana. Elle, au contraire, c'est une jungle activiste. C'est toujours la musique, en fait, qu'elle a défendue. Et moi, ce que j'aime assez bien, en fait, dans le mouvement bass, mais qui vient aussi dans le mouvement hip-hop, c'est que, en fait, c'est politique, mais sans le revendiquer, en fait. C'est, enfin... Il y a une ouverture d'esprit qui est naturelle, en fait. Ouais, il y a un truc de... Enfin, en fait, ce qui nous importe, c'est la musique. Voilà. Et du coup, et après, en fait, dans ton activisme musical, tu vas parfois avoir un discours politique, mais... Sans, enfin, je suis désolée, genre, je me prends un peu les pinceaux. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, enfin, c'est comme la Charbel School, on pourrait y mettre de la dimension politique, mais on le fait pas. Et du coup, je réponds pas vraiment à ta question, je sais, je suis chiante. Mais, j'ai pas dit ça non plus, hein. Non, ouais, je fais l'interprétation subjective. Ouais. Mais du coup, oui, c'est très d'actualité. Et heureusement, parce que oui, il y a de la sous-représentation. Mais, Perruche parlait de... comment t'as dit qu'elle s'appelait? Promozo. Promozo. Il y avait DJ Rap. Ouais, DJ Rap, voilà, en fait, il y a toujours eu des Elisa filles. Elisa Dou, du coup, ça fait 25 ans qu'elle est là, et c'est elle qui a fait que la drum, elle est là où elle est aujourd'hui en France. Il y a Flore aussi, par exemple, qui monte énormément et qui a quand même son label et tout ça. Enfin, et du coup, en fait, bah, les femmes, elles sont là. Et oui, elles sont moins que les hommes, mais comme dans la cuisine, comme dans plein de trucs, en fait, comme dans beaucoup d'espaces voilà. publics. Et à contrario du hip-hop, les femmes dans le hip-hop, elles ont été un peu muselées parce que bah, justement, il y avait le départ du hip-hop, c'était pas. Mais en France, aux États-Unis aussi, hein, aux États-Unis. Mais enfin, il y a ce côté très misogyne du hip-hop qui a apparu. Ouais, mais on va pas se lancer là-dedans parce que c'est pas l'heure. Mais dans le rap US, ça sent le gros débat. Dans le rap US, c'est pas la même histoire. Voilà. Les femmes ont plus de place qu'en France. Voilà. Ce qui est intéressant dans la basse musique, c'est qu'en fait, on ne regarde pas les gens, s'il est noir, s'il est bleu, s'il est vert, et si les mecs ou femmes en France, on s'en fout. C'est le mix, c'est la musique. C'est la musique qui est au milieu de tout. Et en fait, voilà, il n'y a pas que tu aies 10 ans, 50 ans, il n'y a pas de barrière là-dessus. Et c'est ça qui est cool. Et aussi, ça vient aussi, je pense, du fait que. La basse musique est influencée de tous les styles musicaux, donc il n'y a pas de frontières de base. Ouais, il n'y a pas ce côté-là. On va chercher autant des samples qui viennent de la soul, comme je parlais tout à l'heure, du hip-hop. Du coup, il y a tellement de diversité là-dedans qu'en fait, il n'y a pas de politique. En fait, c'est un monde merveilleux, limite, j'ai envie de te dire. Oh, pour moi, un monde sans politique, c'est pas forcément un monde merveilleux, mais je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de jugement, tu vois. Ouais, ouais, pas, carrément. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi quelque chose, et alors peut-être je me trompe, c'est que même par rapport aux autres styles, des musiques techno, électro, etc., il y a aussi une dimension où le mix, c'est... Enfin, je vois par exemple dans le fait de faire un instrument, faire un groupe, etc., souvent ça va aussi, et ce qu'on voit dans comment ça fonctionne, avec le fait de continuer à apprendre jeune, etc., où il y a plus de mecs qui continuent, etc., alors que finalement le mix, ça part d'une écoute, d'une technique que t'es pas obligé d'avoir fait l'école de musique à 3 ans pour, et du coup t'es peut-être aussi plus accessible, sans dénigrer, hein, mais plus accessible de commencer aussi plus tard, et avec peut-être aussi un ego un peu moins fort, parce que les DJ finalement c'est au fond d'une scène un peu caché comme ça, et c'est pas le même truc que le lead d'un groupe mais peut-être il y a des différences entre la house et la bass, ça j'en sais pas, en termes de couches de meufs ici ou là. Non mais voilà, le côté accessible, c'est venu aussi par rapport au matériel. Aujourd'hui, maintenant, avec les MP3, on arrive à mixer pour 400 euros un ordinateur, voilà, on se chope un contrôleur, enfin voilà, donc du coup, ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Malgré ça, il y a même des DJ qui sont stars, mais qui sont pas non plus... Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Mmh. C'est pareil, hein, ça fait remonter la merde aussi, hein, voilà. mais voilà, du coup, ça permet aussi à des gens, des femmes, enfin des gens hors hommes qui peuvent s'exprimer sur scène. Et puis en fait, on les, voilà, comme on dit, on les juge à la qualité, la technique du mix et au style voilà qu'ils m'ont proposé, quoi. Donc il y a pas du tout de ségrégation corporelle. Mais je dirais que en gros si t'envoies du steak au mix, on s'en fout en fait de ton orientation sexuelle ou de ton genre. Et enfin, moi je fais un parallèle avec mon vécu dans la danse hip-hop. Et dans la danse hip-hop qui est où il y a plus d'hommes, mais il y a quand même ce truc de genre, bah en fait, si tu veux faire un battle demain, juste tu te saignes à la salle. Et c'est pareil, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et tu vois, le break, par exemple, il y a des gros, des petits, des personnes en situation de handicap, des personnes black, rebeux. Enfin, en fait, il y a ce truc où c'est pour tout le monde. Et en fait, le mix, c'est pareil, en fait. C'est pour tout le monde. Du coup. Ouais, je trouve qu'il y a ce vachement ce discours-là en ce moment. Mais moi, en tant que femme, malheureusement, je suis pas hyper militante sur la question, parce qu'il y a des meufs. Ah oui, après, certes, il y en a moins, mais c'est le cas dans beaucoup d'activités publiques anyway. Je trouve qu'il y a quand même plus de meufs DJ, je dirais peut-être au prorata, comparé à des meufs bassistes, par exemple, à des meufs batteuses, ou des manageuses de groupe, comme tu disais, ou des productrices. Donc je dirais qu'à la limite, le milieu électro, c'est peut-être le plus progressiste, le plus ouvert dans la musique en général. Cette impression aussi. On va finir cette émission sur un son de Leïa. Tu peux la présenter justement? Ouais, donc rapidement. Donc Miss Leïa, elle est de Toulouse. Donc Toulouse, c'est un peu la capitale de la drum and bass en France. Et du coup, bah, elle est activiste à plein de niveaux, en tant que DJ notamment. Et ce qui est super chouette, c'est que pendant le Covid, elle proposait des vidéos, des mix filmés avec un propos justement un peu politique, philosophique et tout, où il n'y avait que des meufs qui mixaient pour le coup. Et du coup, bah voilà, elle est activiste à fond et elle est super good vibe et c'est énervé ce qu'elle fait, c'est qualitatif. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager son boulot avec vous. Et ben on va s'arrêter du coup sur ce up du mix. Yes. Comme, vous en avez l'habitude. Merci à vous d'être venu. Ouais. On rappelle donc le 25 mai, oui. Le samedi, donc de 12h midi à 22h du côté de Jacquard, jardin Félix Thiollet, pour le Charbol School et tout ce qui va avec. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux. Et puis j'imagine tous les vendredis, voilà, à 17h, ouais, dans Charbonnaire. Voilà. Allez, merci à vous. Merci, ouais. Loïc. À plus tard. Ciao, salut tout le monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Give you all that you want. Until on,